Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la vie derrière les barreaux, le rapport Nelson sur les prisons au Canada au 19e siècle. Vous voyez, dans le grain avec la toupette d'Elvis, les bras en l'air, ça, c'est le directeur. C'est un sale. La femme à côté de lui? Ah, oh, je sais pas ce que c'est. C'est une salope. Ça doit être sa femme, hein? Extrait du film Le Party, réalisé par Pierre Falardeau en 1989. On est loin ici des prisons du 19e siècle décrites par Wilfred Nelson dans son rapport, mais on reste quand même au cœur de cet univers carcéral qui inspira tant de films et de téléséries et qui continue à nous fasciner encore et toujours. Le rapport sur les prisons de Wilfred Nelson est écrit en 1853. Ce rapport esquisse à la fois le portrait de ces prisons du 19e siècle au Canada, en même temps qu'il pose quelques jalons importants de ce que deviendra l'univers des pénitenciers modernes. C'est traumatisant la première fois que tu rentres dans un pénitencier, surtout à cette époque-là, en 1961. Le pénitencier, c'était une vraie jungle. Il y avait 11 ou 1200 détenus. Moi, la première impression que j'ai eue, c'est que je pensais que j'étais dans une écurie. T'sais. C'était tellement sale, tellement écœurant, là, que je ne pouvais pas croire que c'était dans cet endroit-là qu'on était pour me donner une cellule pour coucher. T'sais. C'était un endroit où tu étais mélangé avec toutes sortes de monde. Il y avait des homosexuels, des assassins, des voleurs de banque. Pis, moi, j'étais quand même là seulement pour un vol par infraction. Pis, on faisait pas de distinction pour... te séparer des autres. T'étais à merci, disons, là, de n'importe qui si t'avais pas le moindrement de caractère. Le témoignage de Serge Pigeon, détenu à la prison de Cowansville au début des années 60, pour nous présenter le portrait de l'univers carcéral du 19e siècle et le contexte qui conduira au rapport de Wilfred Nelson sur les prisons canadiennes au 19e siècle. L'historien, enseignant à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission, Éric Bédard. Éric, merci d'être avec nous. Merci. On vient d'entendre une description, Éric, qui remonte. Écoutez, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est les prisons au Québec dans les années 60. Alors, on peut imaginer ce que c'était à l'époque de Nelson au 19e siècle. Et ce que je trouve vraiment très frappant dans l'extrait que vous avez choisi, c'est que la critique principale qui est adressée aux prisons de ce monsieur, c'est qu'il y a de tout dans les prisons et que donc les prisons peuvent devenir une sorte d'école du crime. Oui. Hein, c'est une formule qui a été répétée génération après génération parce qu'il y a de tout. Il y a des gens qui sont de véritables criminels endurcis. Il y a des gens qui sont là pour un petit larcin, mm-hmm. et puis bon, en force de se côtoyer. Eh bien, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'on s'intéresse au 19e siècle aux prisons. D'abord, il faut comprendre que le développement d'une pensée sur les prisons au 19e siècle, il y a un lien évident avec le fait qu'on est au début de l'urbanisation, au début d'une forme d'industrialisation qui va se prolonger tout au long du 19e siècle à travers l'Occident. Et qui dit urbanisation et industrialisation, ben dit paupérisation, c'est-à-dire ouais. appauvrissement. On a plein de gens qui sont dans les villes, qui sont souvent pauvres. C'est le phénomène du paupérisme, donc des itinérants, des gens pauvres, des gens, des mendiants. Petite criminalité et tout ce qui va avec ça. Et donc, il y a une tentation très forte, parfois, de les mettre en prison, de les débarrasser de la vue des bonnes gens qui vont critiquer, qui vont pas être heureux de côtoyer tous ces gens. Et donc, il y a un lien entre l'avènement de l'industrialisation et de l'urbanisation et d'une réflexion sur le milieu carcéral. C'est exactement ça qui se passe, puisque justement se retrouvent dans les prisons des insensés, comme on les appelle au 19e siècle, donc des gens qui ont des problèmes parfois psychiatriques. Oui. Et c'est justement la naissance de la psychiatrie qui survient au début du 19e siècle. Donc, on ressent le besoin de classifier mieux, hein, de mieux classer les criminels. Il y a aussi des enfants qui se retrouvent dans les prisons. Donc, là aussi, ça choque. Des enfants qui côtoient des adultes. C'est vraiment, à cette époque-là, le fourre-tout, mais complet. Mais complet. Il y a des femmes dans les prisons. Il y a des enfants. Il y a des malades mentaux. Il y a des criminels endurcis. Il y a des gens qui ont fait des petits larcins. Donc, pour toutes ces raisons, on dit que donc la prison, c'est une école du vice et ouais. du crime. Et il y a aussi, donc, au début du 19e siècle, il y a tout un mouvement animé par des philanthropes philanthropes, par des réformateurs sociaux, des gens qui croient qu'on peut réhabiliter le criminel. Mm-hmm. D'abord, des gens qui sont choqués par la cruauté du milieu carcéral. Dans certaines prisons, dans certains bagnes, les peines les plus cruelles sont infligées aux gens. Donc, c'est la même époque où on abolit l'esclavage et tout le débat sur, dans le fond, la dignité humaine. Donc, il y a des philanthropes, des réformateurs sociaux qui veulent que les choses changent. Et dans cet esprit-là, eh bien, au 19e siècle, au début, durant les années 20, il y a dans l'État de New York deux nouveaux pénitenciers qui sont ouverts. En 1823, il y en a un qui s'appelle Auburn. C'est un pénitencier où il y a des cellules individuelles la nuit et on travaille en groupe le jour. C'est ce type de prison, d'ailleurs, qui était venu étudier Alexis de Tocqueville, dont on a déjà parlé. Et il y a une autre prison qui ouvre ses portes, qui est celui de Dossening en 1825, toujours dans l'État de New York, où là, c'est vraiment l'isolement absolu et une meilleure classification des prisonniers. C'est intéressant parce qu'il y a comme deux grands modèles dans cette école américaine. Oui, exactement. Et l'une est axée véritablement sur la punition, l'isolement. La ligne dure, mais on pense aussi que ça va créer une sorte de... pour éviter la contamination entre les prisonniers, donc les criminels endurcis qui corrompent les plus jeunes, donc l'isolement absolu. Et l'autre qui mise beaucoup sur l'éthique du travail. Par le travail, on va transformer les gens, une rédemption par le travail. Et ça, c'est très bourgeois. C'est l'éthique bourgeoise du 19e siècle aussi. Bon, au Canada, ça ressemble à quoi, le portrait des prisons au 19e siècle? Il y en a une, la plus grande, on peut le dire tout de suite, elle est à Kingston. Elle est à Kingston, c'est le grand pénitencier du Canada uni, donc du Bas-Canada. C'est là qu'on met les criminels les plus endurcis, mais c'est une prison qui est reconnue pour ses traitements très cruels. Et d'ailleurs, il va y avoir une grande enquête aussi à la fin des années 1840 qui va être dirigée par un certain George Brown, qui est un personnage qui va devenir... plus tard assez célèbre, qui dirigeait le journal Le Globe de Toronto, et c'est un des pères de la Confédération, perçu comme quelqu'un, un esprit un peu plus, disons, réformiste dans le Haut-Canada, qui n'était pas très pro-catholique aussi. En ce qui a trait au Bas-Canada, entre 1839 et 1862, on va passer au Bas-Canada de 3 à 8 prisons pour l'ensemble du Bas-Canada. Et la fameuse prison qui nous est peut-être un peu plus familière à cause des événements de 1837, c'est la prison du Pied du Courant. Oui. Qui date des années 1830, du début des années 1830. D'ailleurs, les gens la surnomment la prison neuve, puisqu'à ce moment-là, elle venait tout juste d'être construite. Donc, prenez juste pour l'année 1851, il y a 1800 personnes qui vont y séjourner durant cette seule année, la plupart pour quelques jours, quelques semaines, pour des petits larcins, ivresse, vagabondage, c'est vol. Du monde, ça, avec compte tenu de la population à exactement, l'époque. 58 000 habitants. Imaginez. En 1851. 47% des détenus en 1851 sont des femmes. Étonnant. C'est vraiment étonnant quand on sait aujourd'hui que c'est complètement distinct. Et l'historienne Sylvie Ménard a dénombré 9% des prisonniers du Pied du Courant, là, entre 53 et 58, avaient moins de 21 ans. Donc, on revient à ce mélange, ce fourre-tout qu'on a évoqué ensemble il y a quelques minutes. Évidemment, la prison du Pied du Courant, vous l'évoquez, c'est aussi la prison des Patriotes. Extrait du film, autre film, il est obsédé un petit peu sur cette question, Pierre Falardeau. Le réalisateur Pierre Falardeau, donc, qui nous laisse ce très beau film qui date de 2001, 15 février 1839, des prisonniers, des patriotes, à cette prison du Pied du Courant. Quand est-ce qu'ils vont nous en donner des paillasses puis des couvertes? Bon, ça fait 4 mois qu'on craint visite. Les bandits, eux autres, ils ont toute une paillasse puis 2 couvertes. Nous autres, on n'a rien, les patriotes. Ils nous traitent comme des chiens. Mais ça, je me dis faire. Ah, oublie pas mes chandelles, les grosses. Let's go. Pas des chandelles de bonne sœur. C'est pas une livre et demie certain, ce pain-là. Arrête de râler. C'est comme manger du brandy. Chez nous, on appelle ça de l'étouffe chrétien. Alors, Éric Bédard, qu'est-ce qu'on peut... Évidemment, c'est une fiction, ce film de Falardeau. On évoque là-dedans un traitement particulier dans ce qu'on vient d'entendre pour les patriotes. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus sur la façon dont ils ont été traités? Est-ce qu'il y avait un traitement particulier pour les patriotes au Pied du Courant? C'est difficile de savoir. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'elles étaient vraiment... il y avait beaucoup, beaucoup de monde là qui était là en même temps. Et on peut imaginer que le traitement n'a pas été très, très bon. Alors, c'est justement dans un contexte contexte comme celui-là, en tout cas un peu plus tard, parce que parmi les patriotes qui sont devenus assez célèbres, il y a Wilfred Nelson. Wilfred Nelson qui a été le seul qui a participé, qui a commandé la seule victoire des patriotes le 23 novembre 1837. Et donc, c'est à lui qu'on va confier l'étude. Et qui a, parenthèse, mais qui lui-même ira en prison. Absolument. Il a lui-même fait de la prison. D'ailleurs, il dira à un correspondant que, justement, d'avoir été nommé pour étudier les prisons, ça lui convenait bien, puisqu'il avait, disait-il, une connaissance pratique des abus qui y sont commis. Lui-même en ayant été victime, même si il a été surtout en exil. Hein, oui. Il a été aux Bermudes pendant quelques années. Il est revenu. Et qui est-il, Nelson? Donc, vous nous le disiez, patriote, il fera de la prison. Il est maire de Montréal à un moment donné. Qui est-il? Alors, c'est un médecin de profession. C'est un homme politique qui est député, qui est maire de Montréal, en effet, de 1854 à 1856. C'est quelqu'un qui rallie la cause des patriotes, ce qui montre que parmi les patriotes, il y avait des Canadiens, on pourrait dire français de souche, mais il y avait aussi des gens comme Wilfred Nelson. Il y en avait d'autres qui avaient des origines multiples, qui adhéraient au programme républicain. C'est donc l'artisan de la victoire du 23 novembre. C'est quelqu'un qui est donc emprisonné, exilé aux Bermudes, va être gracié. Et il va se brouiller par la suite avec Louis-Joseph Papineau durant les années 40. Papineau revient en 1945. Nelson va l'accuser d'avoir abandonné son peuple au moment où ça devenait le plus crucial. C'est une controverse qui perdure parmi les historiens. Et il va finalement se rallier à Louis-Hippolyte Lafontaine qui prône la responsabilité ministérielle. Donc c'est un des hommes de confiance au tournant des années 50. C'est un des hommes de confiance du gouvernement, c'est-à-dire les Louis-Hippolyte Lafontaine qui va être là de 48 à 51 et de Augustin Norbert Morin qui va lui succéder. C'est vraiment un homme de confiance et donc c'est à lui qu'on demande de faire un bilan du système prisonnier, du système pénitentiaire au Bas-Canada. Et ce rapport, le rapport Nelson, donc il l'écrit, on est en 1853. Oui. Alors, on lui demande de faire un état des lieux et de formuler des propositions. Alors, évidemment, ce qui va nous intéresser surtout ici, ce sont les représentations du crime, de la déviance et de la possibilité ou non de réhabiliter les criminels. Et ce qui est très, très intéressant dans ce rapport, qui nous en dit beaucoup, au fond, sur l'état d'esprit de l'élite, d'une certaine élite de l'époque, c'est qu'il va distinguer les enfants, les hommes et les femmes très clairement. Et comment traiter chacun de voilà, ces groupes. Voilà, exactement. Comment traiter chacun de ces groupes? Et ce qui est frappant, et ça a été dit par des commentateurs du rapport, c'est qu'il y a un mélange de traditionnalisme, de perspectives, on pourrait dire, très ancien régime sur le crime, et il y a des perspectives assez modernes et qui annoncent des changements assez radicaux dans la façon dont on perçoit, dont on traite les criminels ou les délinquants, par exemple. Sur les enfants, entre autres, c'est assez fascinant avec le recul du temps, mais il va très loin. Là, je vous laisse nous en parler, mais on flirte déjà avec ce qui deviendra plus tard au Québec, par exemple, la Direction de la protection de la jeunesse. Oui, absolument. Il y a des aspects très novateurs dans ces recommandations. Première chose importante, il faut que les enfants fassent l'objet d'un traitement spécial. Il ne faut pas mettre les enfants avec les adultes. Déjà, en soi, c'est une proposition. Et une proposition qui était dans l'air, puisque en 1857, il y a une congrégation religieuse qui va créer une école de réforme, déjà. Et c'est dans l'air, il y a des communautés religieuses qui se dédient à cette cause-là. Mais déjà, de l'affirmer, c'était quelque chose qui était en soi nouveau. Et justement, parce que les enfants en prison, c'est la crainte d'en faire des futurs criminels endurcis. Donc, la proposition audacieuse dont vous parlez et qu'on ne suivra pas, là, c'est de sortir les enfants d'abord des milieux dysfonctionnels. Ouais. Donc, d'une certaine façon, l'État qui va faire son entrée dans les familles, c'est ce qu'il proposait. Et en cela, ça annonçait presque les politiques de protection de l'enfance qui vont surgir durant les années 70. Bon. Ensuite, donc, s'il y a lieu, si on sent qu'il y a des milieux dysfonctionnels, si on sent qu'il y a des parents qui, dans le fond, négligent, le mot n'est pas utilisé, mais c'est négligent leurs enfants, il faut donc les sortir de leur famille Et pour en faire quoi? Alors, il était contre l'idée qui circulait à l'époque de créer des maisons de refuge uniquement pour les enfants, les délinquants, au fond, les enfants qui avaient commis des larcins, car il y voyait des maisons de corruption où s'élève une génération de voleurs. Ce sont ses mots. Donc, ce qu'il proposait, c'est de les envoyer sur des fermes modèles. Ah bon? Des fermes modèles, parce que ce qui était aussi dans l'air à l'époque, c'est qu'il fallait absolument améliorer notre agriculture, créer des fermes modèles pour où les jeunes agriculteurs pour aller se former. Puis la fameuse idée dont vous parliez il y a quelques minutes, qui revient, cette idée de réhabilitation par le travail. Exactement, voilà. Donc, on va les envoyer sur des fermes modèles. On va les apprendre, on va leur apprendre à travailler, et non seulement à travailler, mais à bien travailler, à devenir de bons agriculteurs performants, et donc de bons habitants qui pourront s'installer avec une famille et fonder une famille, et bon, assurer la prospérité du pays. Il propose aussi, c'est très original, de mettre en place un tribunal spécial pour les jeunes. Ça aussi, c'est original. Donc, l'État s'immisce dans la famille, selon Nelson, devrait s'immiscer, et ensuite un tribunal spécial. Et, qui sera créé beaucoup plus tard, mais encore là, novateur, tribunal de la jeunesse. Exactement, qui sera créé beaucoup plus tard, mais sauf que lui, il est pas mal plus raide dans les peines qu'il propose, hein. On fait pas dans la dentelle. Lui, il va jusqu'à dire il y aura des tribunaux pour la jeunesse, mais ceux-ci pourront, au besoin, infliger des châtiments corporels, et il est convaincu que de tels châtiments permettraient une régénération morale du jeune, et ça sèmerait, selon lui, l'effroi chez les autres jeunes. Alors, vous voyez, ça, c'est très ancien régime comme perspective de la punition brute, mais avec un tribunal de la jeunesse. Alors, vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais c'est le 19e siècle là-dessus. Les hommes, Éric, on revient un petit peu à cette école américaine avec les deux modèles de prison dont vous nous parliez. Il se colle un petit peu, lui, sur le modèle de cette prison où on travaille le jour, voilà. Réclusion la nuit, travaille le jour en communauté. Donc, il participe tout à fait de cet esprit réformiste. Il rêve à une véritable réhabilitation du criminel. Comment? Ben, il est très, très précis dans ce qu'il propose. Premièrement, un régime de vie sain. Hein, il faut que les prisonniers aient une hygiène qui soit étroitement surveillée, qui soit rasée tous les jours, les cheveux tenus courts. Il faut un uniforme dont la couleur dépendrait du crime. L'uniforme noir, ce serait pour les pires, les plus endurcis. Une diète aussi, donc une diète à surveiller, de l'exercice régulièrement et surtout, évidemment, travailler pour former des menuisiers, des cordonniers, des tailleurs, des gens donc qui sortiraient de la prison avec une formation. Dans ce régime de vie que propose Nelson, il y a une forme de recueillement. Hein. En étant reclus seul la nuit, il est donc isolé, il n'est plus avec ses proches. Il devrait prendre conscience du mal qu'il a causé, c'était ce que pensait Nelson. Et donc, ça lui permettrait de non seulement de sortir, contrit, là, il aurait constaté le mal qu'il a fait, mais en plus, bien oussié. Ensuite, pour les récalcitrants, qu'est-ce qu'on fait des récalcitrants, de ceux qui veulent pas marcher dans le rang, là, de ceux qui veulent pas se plier aux règles qu'on vient de décrire? Alors, il exclut d'emblée la cruauté, les douches froides, ça veut dire que ça existait, ça. Oui. Il exclut la douche froide, le fouet, le carcan. Il dit ce type de châtiment, c'est trop dur, ça crée des hommes irréfléchis et ce sont la preuve, selon lui, d'un gouvernement tyrannique. Mais la punition a toujours sa place. Hein, la mise au cachot, par exemple, l'isolement total dans l'obscurité, voilà ce qu'il propose. Les femmes, soyons factuels, il est très dur à l'endroit des femmes, plus qu'à l'endroit des hommes. On a cette impression-là quand on lit le rapport parce que c'est comme si, pour les gens de l'époque, il y avait une sauvagerie qui sommeillait en l'homme. On va le dire comme ça. Il y avait une sorte de sauvagerie qui sommeillait en l'homme, qui pouvait des fois se déployer. C'était pas beau à voir, mais ça fait quasiment partie de notre nature, nous, les hommes. Alors que pour les femmes, la nature féminine les a faites d'emblée plutôt vertueuses. Non seulement ça devrait être l'essence de leur nature, mais c'est obligatoire qu'elles soient vertueuses parce qu'elles doivent s'occuper de la famille, elles doivent être elles doivent assurer le repos du mari lorsqu'il revient de l'extérieur, s'occuper des tâches ménagères. On a besoin, pour que la société tienne, c'est comme ça que les réformistes de l'époque voyaient les choses. Hein, je ne vous dis pas que c'est pas... on en rit, on en sourit aujourd'hui, mais la vertu de la femme était très, très importante. Or, justement, parce que cette vertu devrait être naturelle aux femmes, il fallait être impitoyable pour les femmes qui ne montraient pas cette vertu. Ils considèrent que cette classe est extrêmement incommode, incorrigible, improfitable. Ce sont les mots qu'il utilise. Et donc, il suggère d'embaucher des matrones pour surveiller ces femmes déviantes, car c'est une circonstance extrêmement heureuse que les mauvaises femmes faiblissent en la présence d'une femme vraiment vertueuse, écrit Wilfred Nelson. Bon, la place qu'aura, l'importance qu'aura ce rapport Nelson, et où est-ce qu'il se situe dans toute cette réflexion au 19e siècle, mais au 20e siècle aussi, autour du système carcéral? Je vous propose un extrait d'une entrevue de Michel Foucault qui va beaucoup réfléchir, lui, au 20e siècle, à l'organisation du système pénitentiaire et à ce qui s'est fait, justement, au 19e siècle. Il écrit cet ouvrage devenu un classique, Surveiller, punir, en 1975, extrait d'une entrevue de Michel Foucault en 1981. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, était en réalité quelque chose de récent. C'est une invention technique, bon, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Alors, Éric Bédard, où se situe, par exemple, un Wilfred Nelson par rapport à un Michel Foucault qui s'est penché justement sur les bases jetées au 18e ou 19e du système pénitentiaire? Alors, Michel Foucault a été un intellectuel extrêmement important dans notre réflexion sur la prison. Parce qu'il a contesté la vision, disons, plus canonique, hein, la vision plus libérale, plus linéaire du développement des prisons est la suivante. Nous avons globalement fait des progrès. Hein. Autrefois, c'était la cruauté, les régimes tyranniques, la punition pure, le carcan, la douche froide, je vous l'ai mentionné. Et aujourd'hui, on veut réhabiliter. Et entre les deux, il y a eu une prise de conscience progressive qui s'est prise. Donc, un progrès lent, mais certain, qui s'est produit par rapport à la prison. Michel Foucault conteste radicalement cette perspective en disant la chose suivante. Au fond, c'est vrai qu'on n'est plus dans le grand enfermement. C'est l'expression qu'il a utilisée pour parler du 17e siècle. On n'est plus seulement dans le grand enfermement, dans la torture. Oui, tout ça est vrai. Mais il dit, peut-être qu'on a inventé quelque chose d'encore plus diabolique, le système bourgeois libéral, c'est-à-dire qu'on prive les gens de liberté et on les conditionne de façon très subtile et de façon presque machiavélique. On les conditionne à adhérer aux grandes valeurs bourgeoises de l'industrialisation et de la révolution bourgeoise, justement, du 18e et du 19e siècle. Et Nelson, dans tout ça, lui, on le place où? Alors, Nelson est un peu vraiment... moi, j'hésite à adhérer à cette thèse un peu grosse de Michel Foucault, parce que je crois que les intentions d'un Wilfred Nelson étaient assez nobles. Ouais. Je pense qu'il souhaitait véritablement des peines moins dures. Il croyait fermement au progrès par l'éducation et par le travail. Je crois qu'ils y croyaient vraiment, et c'est le cas de Wilfred Nelson. Et c'était déjà une avancée par rapport à ce qui existait bien sûr avant. Éric Bédard, enseignant à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Éric. Merci à vous. À la prochaine. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.